Ce soir-là, Monsieur X m'a dit d'emblée « Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme honnête. Ça vous intéresse ?» Pouvais-je dire non ? Même si je sais, malheureusement, que l'honnêteté éveille rarement la curiosité. « Oui, a poursuivi Monsieur X, l'histoire d'un grand homme honnête, injuste, dont ses adversaires se sont lâchement débarrassés. Et à cet instant, il y avait quelque chose de dur dans le regard de mon interlocuteur et j'ai compris qu'il avait vécu personnellement une partie de cette histoire. Alors cet homme honnête. Les plus âgés d'entre vous ont tous entendu parler de lui. On l'appelait Monsieur H. Sans doute parce que son nom, à Marshold, était compliqué. Mais aussi parce que ce diplomate suédois, élu en 1953 au secrétariat général des Nations Unies, réélu en 1957, à la quasi-unanimité pour un mandat de 5 ans, est devenu assez rapidement un personnage populaire, omniprésent sur la scène internationale. Il faut dire que le souriant Monsieur H, en pleine guerre froide, a dû tenter de régler successivement ou d'imposer sa médiation dans les conflits permanents entre Israël et les pays arabes, la crise de Suez, l'insurrection hongroise, rien de moins. Partisan d'une coopération accrue avec les pays du tiers-monde ayant accédé à l'indépendance, il devait prendre à bras-le-corps, au début des années 60, le dossier explosif du Congo ex-belge. Nous allons y venir. Car c'est au Congo que Dag Hammarskjöld a trouvé la mort en septembre 1961 dans un accident d'avion. Une précision d'abord. Vous l'avez compris, M. X est persuadé qu'il ne s'agissait nullement d'un accident et qu'on a donc assassiné le secrétaire général de l'ONU. Mais aucune preuve n'a jamais conforté cette certitude, et la version officielle demeure toujours celle de l'accident. Mais il est vrai qu'à l'époque, cette thèse de l'assassinat a été fréquemment évoquée tant les circonstances de l'accident sont apparues comme étranges, tant surtout les ennemis de M. H étaient nombreux. Dag Hammarskjöld incontestablement gêné. Les Russes, les Américains, les Anglais, les Français et bien sûr les factions congolaises sécessionnistes qui s'opposaient à son action, sans compter les puissants intérêts économiques qui, à l'évidence, justifiaient ou expliquaient l'agitation des uns et des autres. Alors, avant d'en venir au récit de M. X qui expose une version inédite de la mort de Dag Hammarskjöld, je vous propose de revenir un instant sur la crise qui, déjà 37 ans avant les événements que nous venons de connaître, mettait ce pays à feu et à sang. C'est en juin 1960 que la puissance coloniale belge accorde son indépendance au Congo. Et aussitôt, les premiers troubles éclatent, essentiellement dirigés contre les Belges qui sont restés dans l'ancienne colonie, à tel point que Bruxelles envoie des parachutistes pour protéger ses ressortissants et encadrer l'exode de la population blanche. Le premier ministre congolais, Patrice Lumumba, proteste avec la plus grande vigueur contre ce qu'il considère être une violation de la souveraineté du jeune État. Et ce dirigeant progressiste menace d'en appeler aux soviétiques. Dans le camp occidental, on apprécie peu. Le général Eisenhower, président des États-Unis, suggère à Lumumba de demander plutôt l'intervention du gendarme international, c'est-à-dire de l'ONU. Et c'est ainsi que l'Organisation internationale et son secrétaire général, M. H, vont entrer dans la crise congolaise. Une crise qui va d'ailleurs se compliquer singulièrement. En effet, un peu partout dans cet immense pays, des tendances sécessionnistes voient le jour. En particulier, 11 jours seulement après l'indépendance, le président du gouvernement provincial du Katanga, Moïse Tshombe, déclare l'indépendance de sa région. Tandis qu'à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, le président Kasavubu, soutenu par les Occidentaux, entre en conflit avec son premier ministre, Patrice Lumumba, soutenu lui par Moscou. Mais c'est d'abord la sécession du Katanga qui attire l'attention. Pourquoi ? Parce que cette province, grande comme la France, est un formidable réservoir de richesses minières. À l'époque, en 1960. Le sous-sol du Katanga, c'est 60% de l'uranium du monde occidental, 73% du cobalt, 8% du cuivre. Et l'on y trouve aussi de l'or, des diamants, du plomb, du zinc, des richesses qui suscitaient beaucoup de convoitises. Et c'est encore le cas, on l'a vu il y a peu de temps. Monsieur H est-il mort à cause de ce coffre-fort minier? Dans un instant, la réponse de mon interlocuteur. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Bon, l'Afrique francophone, c'est une lapalissade. Ça a toujours été le précaré de la France, ce qui veut dire en fait que les services de renseignement français, officiels ou pas, avaient pour ordre de s'intéresser prioritairement au devenir de ces pays qui venaient d'acquérir leur indépendance. Oui, donc à sauvegarder les intérêts français. Oh, bien là. Évidemment. Ouais. Mais le Congo, attendez, le Congo, ça ne faisait pas partie de la sphère d'influence française. Puisque le colonisateur était belge. Détrompez-vous. Nous avions aussi l'œil sur le Congo. D'ailleurs, et c'est une anecdote très significative, quelque temps avant l'indépendance, hein, notre ministre des Affaires étrangères, qui était, il me semble, Maurice Couve de Murville. C'est juste, je pense. Il a pris langue avec son homologue belge. Il lui a dit en substance que la France avait des droits sur le Congo. Des droits, c'est une plaisanterie. Non, pas du tout. Couve de Murville a exhumé un accord qui avait été signé à la fin du siècle dernier entre le roi Léopold II et Jules Ferry. Et au terme de cet accord, la France avait un droit de préemption sur le Congo si la Belgique s'en retirait. Enfin, écoutez, comment la France pouvait revendiquer le Congo au moment où elle donnait elle-même l'indépendance à ses colonies? Je suis d'accord avec vous, ça semblait absurde. En fait, c'était un signal, comme on dit aujourd'hui. Ouais, un signal destiné à qui? À tous ceux qui avaient des visées sur le Congo. Et puis surtout sur sa très riche province, le Katanga. Ça voulait dire « pas touche », sinon vous nous trouverez sur votre chemin. D'accord, mais... quand même, vous ne m'avez pas répondu précisément. J'y viendrai, car c'est au cœur de notre histoire. Mais je peux déjà vous dire qu'au moins un pays voisin louchait sur le Katanga. La Fédération britannique de Rhodésie, Nyasaland, un territoire où les Blancs n'avaient nullement l'intention de remettre le pouvoir aux Noirs. Et qui devait être, à mon avis, plus ou moins téléguidé par la Grande-Bretagne. Bien sûr. Bon, alors, revenons à votre propos du début. Les services de renseignement, avez-vous dit, les services de renseignement français, avaient pour ordre de s'intéresser au Congo. Mais de s'intéresser et d'agir. Expliquez. Vous vous souvenez des affreux ? Ah bah oui, ça, les mercenaires du Katanga. Oui. Et je vous assure que si on les a appelés les affreux, c'est que ces types-là n'étaient pas des tendres et ne faisaient absolument pas dans la dentelle. Et c'était pour la plupart des soldats français, non ? Oui, français en majorité, mais il y avait aussi des Belges. Et tous ces baroudeurs ont été recrutés par Tshombe afin d'encadrer ses troupes, sa gendarmerie katangaise, comme il l'appelait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces mercenaires ont été engagés à l'initiative de Paris. Et à l'initiative de Paris, c'était à l'initiative du gouvernement français. Ben, je crois que j'ai été clair. Ces militaires, dont beaucoup étaient encore en activité, et alors que la guerre d'Algérie était loin d'être terminée, ont été étrangement et soudainement autorisés à se mettre en disponibilité afin de rejoindre le Katanga. Étrangement. Oui, comme vous dites. Ben, j'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que c'était aussi un moyen commode pour De Gaulle de se débarrasser d'un certain nombre d'officiers excités qui étaient des factieux en puissance. Ah oui, je comprends mieux. Enfin, donc, quand même, le gouvernement du général De Gaulle avait décidé de soutenir la sécession katangaise de Moïse Tshombe. Exactement, avec des pincettes, d'accord. Ah oui. Bon, enfin, il soutient quand même Tshombe en lui envoyant des hommes et des armes qui transitent par le Congo-Brazzaville, où le président de la République, l'abbé Fulbert Youlou, l'homme aux robes roses, n'a rien à nous refuser. Et pourquoi avec des pincettes ? Bah, parce que la réputation de Tshombe était plus que douteuse. Vous savez comment on l'appelle ? Ah oui, ça je sais, ça, c'est Monsieur Tiroir Caisse. Oui, parce que sous le prétexte de créer une nouvelle monnaie katangaise et de réunir assez de liquidités pour la rendre crédible et la garantir, il avait tout simplement raflé tous les francs belges en circulation et les avait placés à son nom, en lieu sûr, c'est-à-dire bien entendu en Suisse. Mais en agissant ainsi, la France prend alors le contre-pied de l'action de l'ONU et de Dag Hammarskjöld, qui au contraire, lui, Hammarskjöld, veut essayer de rétablir l'unité du Congo. Oui, mais vous savez ce que pensait le général de Gaulle de l'ONU. Ce machin, comme il disait. Bon, d'ailleurs, le général réprouvait l'action des Nations Unies au Congo, car pour lui, les casques bleus n'avaient aucun droit à intervenir dans une affaire purement intérieure et qui ne concernait donc qu'un État souverain, le Congo. Puis j'imagine, c'est même une certitude, le général pensait aussi à l'Algérie. Naturellement. La France n'avait pas du tout envie que l'ONU vienne s'occuper de nos affaires. Alors revenons aux affreux. Bah, ils sont nombreux à venir au Katanga. Militaires, aventuriers, agents des services secrets. Les Folk, les Trinquiers, les Bob Denard, etc. Enfin, tous ces gens qui n'ont pas la tripe particulièrement progressiste, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est des gens de droite, d'extrême droite. Plutôt, oui. Pour la plupart des vétérans des guerres coloniales. Et ça va avoir une grande importance. Ah bon, pourquoi ? Bah, parce qu'il se produit en 1961 un événement extrêmement grave. Patrice Lumumba est capturé par un certain Mobutu. À l'époque, Mobutu s'était déjà donné du galon, puisque ce simple sergent était déjà devenu colonel. Il finira maréchal. Oui, donc Mobutu s'empare de Lumumba, après l'avoir torturé consciencieusement. Il l'envoie par avion chez son pire ennemi, chez Tshombe, et celui-ci, bien sûr, le fait assassiner. Bon, un assassinat qui fait des vagues dans le monde entier, et qui embarrasse considérablement Paris. Conclusion, il ne devient plus aussi urgent d'aider Tshombe et la sécession katangaise. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les affreux ? En tout cas, il n'est plus question de les soutenir aussi ostensiblement. Ah. Puis les mercenaires sont un petit peu livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant dépendre presque complètement de Tshombe et surtout des intérêts financiers qui soutiennent la sécession et son gouvernement. Quels les intérêts financiers ? C'est-à-dire la fameuse Union Minière, une compagnie belge qui a la haute main sur une grande partie de l'exploitation des richesses du Katanga. Et quelle va être l'attitude de l'ONU et son secrétaire général, M. H. Hammarskjöld a reçu un mandat des Nations Unies. Il doit donc réduire la sécession katangaise. Mais comment ? Alors ça, par la négociation ou par la force ? Par tempérament, M. H. préférerait la négociation. C'est un domaine où il est passé maître. C'est vrai. Mais Tshombe ne veut rien entendre. Alors on envisage la force et l'entrée en jeu des casques bleus. Pour les Katangais, Hammarskjöld devient donc l'ennemi, celui qu'il faut abattre. Donc si je vous comprends bien, ce sont eux qui vont l'assassiner. C'est ce que j'ai d'abord pensé, mais la réalité est beaucoup plus complexe, car décidément, Hammarskjöld avait beaucoup d'ennemis. J'avoue que j'ai ressenti un véritable choc quand j'ai découvert que cet homme, dont personne n'avait jamais mis en doute l'honnêteté, agissait peut-être au Congo en faveur d'intérêts privés. En collectant, comme d'habitude, des informations sur ce dossier dont m'a entretenu M. X cette semaine, j'ai trouvé des documents sur ses intérêts privés qui auraient peut-être motivé l'action énergique de Dag Hammarskjöld au Katanga. Nous allons bien sûr en reparler avec M. X, mais avant de reprendre la diffusion de notre entretien, je voudrais vous lire ceci. C'est un extrait d'un livre de l'historien Jacques Delaunay consacré aux morts mystérieuses de l'époque contemporaine. Je le cite. La société Liberian American Swedish Mineral Company, la LAMCO, poursuivait d'importantes activités au Katanga. Cette compagnie, spécialement intéressée par les métaux non ferreux, semble avoir envisagé la période transitoire où les colonialistes céderaient la place aux nationalistes, ces derniers se révélant incapables d'exploiter par eux-mêmes les ressources minières du Katanga, se verraient offrir les services de la LAMCO, qui se substituerait ainsi à l'Union minière du Haut-Katanga. On remarque, parmi les dirigeants de la LAMCO, messieurs Stuart Liner et Bo Hammarskjöld, le propre frère de monsieur H. Et l'historien, d'ajouter que ce Liner, qui était le directeur de la LAMCO, est devenu, à la demande de Dag Hammarskjöld, le chef des opérations civiles de l'ONU au Congo. Coïncidence doublement embarrassante. Mais qu'en pense M. X ? J'étais très troublé, je vous l'ai dit, très troublé par cette coïncidence. Et puis non, à la réflexion, je me suis dit qu'un homme de la stature de M. H. ne pouvait pas avoir mangé de ce pain-là. Ah, il aurait quand même pu donner un petit coup de main à son frère. Sans doute lui a-t-il donné des informations. Sans doute même n'était-il pas fâché de voir que la suprématie de la considérable et puissante Union minière belge était menacée. Mais je suis certain qu'après avoir discuté avec quelques-uns de ses proches, qui n'a jamais agi pour défendre les intérêts de la société de son frère. Toutefois, ça pouvait donner des idées à ses ennemis. Ah, précisez. Ces derniers, à tort ou à raison, étaient en droit de se demander si M. H. était aussi honnête et impartial qu'on le prétendait. Ça pouvait justifier son élimination. Alors, je vous le rappelle, les intérêts qui étaient en jeu étaient énormes. Mais si je vous comprends bien, là, une nouvelle fois, ceux qui pouvaient se sentir menacés par la politique de Dag Hammarskjöld, C'était quand même d'abord les dirigeants de l'Union minière. En priorité, oui, c'était la logique. Mais j'ai eu aussi la chance d'obtenir des informations confidentielles très intéressantes. Auparavant, je voudrais vous inviter à vous pencher sur la carte de l'Afrique de l'époque. Au nord, à l'est et à l'ouest du Katanga, on trouve des États nouvellement indépendants où le pouvoir est détenu par les Noirs. D'accord, ça, tout à fait, mais ça, je ne vois pas où vous voulez en venir. Laissez-moi poursuivre. Regardez le sud maintenant. Il y a d'abord l'Afrique du Sud, puis le Mozambique, l'Angola, la Rhodésie. Uniquement des États ou des territoires qui sont encore aux mains des Blancs et où le pouvoir blanc est solidement installé. D'accord? D'accord, mais le Katanga... Eh bien, pourquoi ne pas faire de cette richissime province un nouvel État blanc, un bastion colonialiste et anticommuniste? Utopique, non? L'heure était plutôt à la décolonisation. Non, pas si utopique que ça. Il suffirait de susciter une immigration blanche importante des colons européens attirés par les richesses du Katanga. Et ce plan a vraiment germé dans quelques cervelles? Et comment? Non seulement il a germé, mais il a failli aboutir. Mais qui était derrière? Du beau monde, enfin c'est une façon de parler. Préciser. À la tête, il y avait des hommes d'affaires, bien sûr, certains dirigeants de l'Union minière, par exemple. Mais pas tous, car en bons gestionnaires, l'aventure leur faisait peur. Il y avait aussi des financiers comme ce banquier suisse, légataire du sinistre Goebbels, qui toute sa vie a commandité des mouvements d'extrême droite. À genoux? Oui, enfin toute une nébuleuse d'affairistes et de farouches partisans des régimes totalitaires, zélateurs du pouvoir blanc. Et puis derrière, il y avait aussi des États. Pas difficile à identifier, après ce que je vous ai dit. L'Afrique du Sud. En premier lieu, bien sûr. Mais le Portugal, de Salazar aussi, à cause de l'Angola et du Mozambique, qui étaient encore des colonies portugaises. Mais je veux bien croire à l'existence de ce plan. Mais il fallait aussi des soldats ou des hommes de main pour éventuellement l'appliquer. Ils étaient déjà sur place. Les affreux? Bien sûr. Et ils savaient? Les mercenaires. J'allais vous dire quelle importance. Vous savez, ils ne se posaient pas trop de questions, ces types-là. Du moment qu'on les payait très bien, qu'on leur disait « faut casser du nègre », ils étaient prêts. Puis je vous assure qu'à l'époque, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, il n'était pas très difficile de recruter ce genre de type. Non, j'exagère un tout petit peu. Il y avait aussi parmi eux des gars qui croyaient lutter pour l'Occident, comme ils disaient. Des idéologues ou des idéalistes? Oui, appelez ça comme vous voulez. Enfin, parmi eux, on trouvait des militaires un petit peu plus lucides que d'autres, qui savaient que De Gaulle finirait par abandonner l'Algérie et qui comptaient donc continuer la lutte contre la subversion par d'autres moyens dans d'autres pays. Des soldats perdus, des nostalgiques de l'Empire colonial, en somme. Mais il y avait plus grave. Des gens de chez nous collaboraient avec eux. Des gens de chez nous, je vois où on en est, c'est des gens du SDEC, ça y est. Oui, et ça je l'affirme, je les ai vus sur place. Des ultras, des partisans de l'Algérie française qui avaient notamment refusé d'engager la lutte contre l'OAS. Des types qu'on retrouvera mouillés dans de sales affaires plus tard. Quelles affaires? La drogue, par exemple. Ah ouais. Et tout ce joli monde rêvait donc d'un Katanga dirigé par un pouvoir blanc. Voilà. Et ce monsieur H, avec ses casques bleus, menaçait ce bel édifice. Mais Tshombe, ça lui était quand même difficile, lui était noir, hein. Ça lui était quand même difficile d'être de mèche avec ces ultras du colonialisme. C'est juste. Même si ce n'était pas les convictions qui l'étouffaient. Mais vous savez, Tshombe, du moment qu'on lui donnait de l'argent, qu'on lui garantissait un semblant de pouvoir, on pouvait en faire ce qu'on voulait. C'est un fantoche? J'ai pas dit ça. Tshombe était malin, très malin. Je dirais même qu'il avait une certaine carrure, si vous voulez. Je vous parlerai plus longuement de lui un de ces prochains jours. Ah oui. Enfin, en tout cas, il a été capturé, ouais, non? Il a été enlevé, de façon rocambolesque. Et conduit à Alger, où on l'a retrouvé mort dans sa cellule 2 ans plus tard. Mais je vous raconterai cette histoire dans le détail, si ça vous intéresse, car elle comporte encore pas mal de points mystérieux. Bon. On y reviendra, si vous voulez, mais pour l'instant, il s'agit de Monsieur H. Bien, d'après ce que je vous ai dit, vous comprenez qu'il est condamné. Et justement, à la fin de l'été 61, les événements s'accélèrent au Congo. Soudain, Dag Hammarskjöld s'est décidé à agir. Et début septembre, je crois, oui, c'est en septembre, les casques bleus interviennent à Elisabethville. C'est-à-dire au Katanga? Oui. Ils prennent sans effusion de sang le contrôle de la radio de l'aéroport. Ouais. Et les gendarmes katangais, là, ceux qui sont encadrés par les affreux, ils ne réagissent pas? Non, pas tout de suite. Ils ont manifestement été surpris. Alors, fort de ce premier succès, M. H, qui se trouve au Congo pour mieux contrôler les opérations, exige le départ des mercenaires et de toutes les forces étrangères. Et comme les affreux ne bougent pas, Hammarskjöld décide d'employer la force pour les chasser. Mais c'est sur lui que le piège va se refermer. Il y a dit, Dans le livre qu'il a consacré à Jacques Foccart, l'éminence grise de la politique africaine du général de Gaulle, Pierre Péan évoque avec un luxe de détails l'activité des services secrets français au Congo et le recrutement des mercenaires effectué avec la bénédiction du ministre des Armées Pierre Messmer et de Jacques Foccart. Ainsi, c'est au plus haut niveau que le colonel Trinquier a été choisi pour diriger ces affreux. Je cite Péan. Trinquier prend langue avec un certain nombre de baroudeurs, tous spécialistes de la guerre subversive. Roger Foulque, ancien du 1er REP, deux anciens du 11e choc, quelques capitaines. Il accomplit une première mission au Katanga à la fin de janvier 1961. Il rencontre Moïse Tshombe ainsi que le consul général de France, Joseph Lambroschini, ancien du BCRA, proche de Foccart, qui se montrera actif durant toute cette période. Il revient en France après avoir inspecté les forces katangaises. Il estime qu'avec une vingtaine d'officiers français, il pourra créer une armée moderne adaptée aux besoins du pays. C'est à l'époque où se déroule cette mission qu'est assassiné à Elisabethville Patrice Lumumba, livré à Tshombe par le chef d'état-major congolais installé au pouvoir par la CIA, le colonel Mobutu. Ce meurtre change quelque peu les données du soutien de la France au Katanga. Messmer aurait alors annoncé lui-même à Trinquier qu'il ne pourra plus désormais couvrir son départ. Trinquier et ses amis s'envolent néanmoins pour le Katanga via la Rhodésie. Sont-ils en rupture de ban avec la France? Évidemment non. Du côté des services de Foccart et du SDEC, on demeure toujours aussi attentif à la situation katangaise et toujours disposé à rendre service. Mais quittant Pierre Péan et retrouvant M. X, il me disait qu'en voulant chasser tous ces mercenaires, le piège allait se refermer sur Dag Hammarskjöld. Oui, un vrai piège, je vous explique. Les casques bleus interviennent donc militairement contre les mercenaires et les gendarmes katangais. Mais l'attaque est mal préparée et les soldats de l'ONU subissent un véritable désastre. L'unique avion des forces aériennes katangaises, un Fuga Magister, fait des dégâts. Et un contingent entier d'Irlandais doit même demander la reddition. Pour M. H, c'est une gifle. Et du coup, le voilà contraint à négocier. À négocier avec qui, Tshombe? Tshombe, le chef des sécessionnistes, naturellement, et un rendez-vous est fixé en Rhodésie, dans une petite ville, Dola, qui est située à la frontière katangaise. Immédiatement, les extrémistes dont je vous parlais tout à l'heure se décident de passer à l'action. Et de quelle façon? Hammarskjöld se trouve à Léopoldville, à l'autre bout du Congo. Pour se rendre à Ndola, il doit donc parcourir plus de 1600 km. En avion, bien sûr. Oui. Un vol relativement risqué, car il lui faut éviter de voler au-dessus du Katanga. Donc, le commandant de bord, à la demande de M. H, décide de ne pas déposer de plan de vol. Mieux, il prévoit de ne pas établir de contact radio au cours du vol. Et l'appareil, c'était quoi? Un DC-6, l'avion du commandant suprême des forces de l'ONU au Congo. Un avion qui a été mitraillé la veille même en survolant Elisabethville. Ah. Oui, je vous vois venir. Mais on a eu le temps de changer un moteur et de réviser entièrement le DC-6. Ah, n'empêche que cette révision aurait pu ne pas être parfaite. Oui, je sais. C'est une des hypothèses que l'on a émises pour expliquer le crash de l'avion du secrétaire général de l'ONU. Mais ça ne tient pas. Car il ne faut pas oublier que le DC-6 a quand même parcouru sans aucun problème les 1600 km du vol. Et c'est seulement au-dessus de Ndola que les choses se sont gâtées. Alors, examinons la chronologie, si vous la connaissez. Oui, j'allais vous le proposer. Le DC-6 décolle le 17 septembre vers 16h. Bon, vers 16h, ça veut dire qu'il va effectuer la plus grande partie de son vol de nuit, parce que la nuit se couche tôt en Afrique. Oui, c'est par prudence. D'ailleurs, le DC-6 est parfaitement équipé pour naviguer la nuit. Quelle est la route choisie? Alors ça, impossible de le dire. Il y avait deux solutions. À l'ouest, par l'Angola. À l'est, par le Kenya. Bon, peu importe. Enfin, ce qui compte, c'est que le DC-6 se signale vers 23h30 à la tour de contrôle de Ndola. Le commandant de bord annonce qu'il sera à la verticale de l'aérodrome dans quelques minutes. Très bien. Donc le vol se passe bien pour l'instant. Mais attendez, vous ne m'avez pas parlé des passagers du DC-6. Vous avez raison. C'est important parce qu'on a prétendu qu'il y avait un passager en trop. Un passager clandestin? Oui. Mais je vous rassure tout de suite, c'était un bobard. Tous les corps des passagers ont été formellement identifiés. Il n'y avait pas de clandestins à bord. Alors les passagers, eh bien, outre Hammarskjöld, il y avait des fonctionnaires de l'ONU, des agents de sécurité. J'avoue que cette thèse assez farfelue du passager clandestin a été entretenue parce qu'il y a eu longtemps confusion sur le nombre des passagers. Puis surtout parce qu'on a trouvé à l'autopsie des balles dans le corps d'un passager. Attendez, des balles On aurait donc tiré à bord de l'avion ? Non, mais on a établi que le DC-6 transportait des caisses de munitions. Au moment du crash et de l'incendie qui a suivi, certaines de ces caisses ont dû exploser et des balles ont pu toucher le corps de ce passager. Il n'empêche effectivement que ça pouvait paraître troublant. Ah oui, ça, vous avez raison. Bah, enfin, quand même, on reprend la chronologie. Hein. Donc, le DC-6 se signale à la tour de contrôle de Ndola. Oui, et le commandant de bord m'emmène la pression atmosphérique au sol afin de caler son altimètre. Puis ensuite, c'est le silence. Le silence. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Bah, le DC-6 passe à la verticale de Ndola. On l'a vu ? On l'a entendu. Plus tard, on a parlé d'un appareil non identifié. Foutaise. C'était bien l'avion de M. H et il s'apprêtait à atterrir. Et comment pouvez-vous en être si sûr ? Bah, parce que lorsque l'on a retrouvé l'épave de l'avion en pleine forêt, à 13 km à peine de Ndola, on a constaté que le train d'atterrissage était sorti et que les volets étaient inclinés à 30 degrés. Ouais. Alors, erreur de pilotage ? Non. Le pilote, mais aussi ses deux copilotes, tous trois Suédois, étaient des aviateurs confirmés et qui comptaient des milliers d'heures de vol. Mais, attendez, si près du Katanga, le DC-6 de M. H aurait pu être victime d'une attaque aérienne, non ? Encore non, non. L'unique avion du Katanga, ce Fuga Magister dont je vous ai déjà parlé, ne pouvait pas voler de nuit. Il n'était pas équipé et puis on a pu établir que cette nuit-là, il était basé trop loin. Alors, qu'est-ce qui reste ? Sabotage de l'avion ? Bah, tout le monde y a pensé, bien sûr, mais si une bombe avait été déposée dans le DC-6, il y aurait eu une explosion en vol et on aurait retrouvé des débris à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Or, ça n'a pas été le cas du tout. Et puis pourquoi cette bombe, si bombe il y avait eu, elle aurait explosé au dernier moment ? C'est-à-dire quelques minutes avant l'atterrissage ? Non. Non, je vous l'assure, c'est une hypothèse qui ne tient pas la route. Ah bah, expliquez-moi, puisque vous êtes quand même persuadé qu'il y a eu attentat. Bah, c'est relativement simple. Simple, mais terriblement machiavélique. Avant de vous donner la solution, je voudrais quand même vous dire que la formulation de toutes ces fausses pistes dont nous venons de parler ne doit rien au hasard. Il est évident qu'on a voulu égarer les recherches et la révélation de la vérité. Qui ? Les autorités rhodésiennes, par exemple, qui n'ont mis aucune bonne volonté pour aider les enquêteurs et faire la lumière sur le crash. Mais ça ne vous étonne pas, puisque je vous ai dit que la Rhodésie était partie prenante de ce complot visant à faire du Katanga un bastion du pouvoir blanc. Ah, peut-être temps d'y venir à cette vérité. J'avoue que j'ai longtemps cherché, mais j'ai résolu le problème. La solution se trouvait dans le manuel de bord de l'avion. Le manuel de bord, je comprends pas très bien. Alors écoutez-moi, si ce n'est pas l'avion de M. H qui a été saboté, c'est son manuel de bord. Et ça a été fait de façon diabolique. Attendez, ce manuel de bord de l'avion de M. H, là, vous l'avez vu, vous ? Non, non. Non, mais sur place, j'ai lu attentivement les rapports de 3 commissions d'enquête. Et dans un des rapports, on parlait de ce manuel de bord. Un manuel Jepsen, habituellement utilisé par les aviateurs suédois et retrouvé dans l'épave. Et qui disait-on dans ce fameux rapport ? Que la page de l'aéroport de Ndola était absente du manuel. Et ce n'est pas tout. Le rapport mentionnait aussi que sur ce manuel, à la page d'un autre aéroport, Ndolo, il y avait une mention manuscrite. Ndola, altitude 2500 pieds. Ndola, Ndolo, vous comprenez maintenant ? Le pilote aurait pu confondre. Oui, d'autant qu'il ne connaissait pas bien l'Afrique. Et la véritable altitude de Ndola ? 4500 pieds. En écrivant sur la page de Ndolo cette mention 2500 pieds, on envoyait M. H inévitablement à la mort, car le pilote a calé ses appareils sur une altitude trop basse. Le crash était inévitable. Ouais. Mais quand ce manuel de bord a-t-il été trafiqué ? À Léopoldville, où je l'ai vérifié, le DC-6 est resté plusieurs heures sans surveillance avant le décollage. Vous êtes désormais convaincu ? Je dois reconnaître que cette démonstration est assez impressionnante. Mais j'en resterai là car je ne peux ni affirmer ni confirmer la thèse de M. X. Avant de vous quitter, je voudrais quand même évoquer la personnalité de Dag Hammarskjöld. Ce grand homme honnête, comme disait M. X au début de notre entretien. M. H a publié un livre posthume, une sorte de journal où il notait ses impressions, ses pensées. On y découvre un homme cultivé, altruiste, mais aussi une personnalité hantée par l'idée de la mort. Ce qui a même autorisé quelques-uns à se demander si Dag Hammarskjöld ne s'était pas suicidé. Hypothèse absurde. M. H, s'il avait voulu en finir, n'aurait certainement pas entraîné dans la mort une quinzaine d'autres personnes. Toutefois, avant d'en terminer, je vous livre ces quelques notes écrites par M. H. La chose la plus difficile, bien mourir. ou encore être fidèle à son avenir, même quand cela ne signifie plus que se préparer à bien mourir. Enfin, cette dernière pensée. Auparavant, la mort figurait toujours dans les réunions. Maintenant, elle est assise à la même table que moi. Il faut que je devienne son ami. Prescience, diront certains. Lucidité, diront d'autres. À vous de juger et à samedi prochain.